Gadem, papa. Est-ce que t'as vu la petite? Elle est pata comme le folle. Ouais, elle va tuer au plateau. À 15h15. Où la paix vive en Gomila là? Je suis très enjaillé. J'ai vu la fille de mes rêves, Arevo. Elle est si jolie quand elle marche, si mignonne quand elle danse. Bébé, je t'aime moins très fort. Bébé, nous qu'à danser. Nous qu'à danser. Bébé, nous qu'à zouker. Ah, bébé. Bébé, nous qu'à danser. Nous qu'à zouker. On a ni top boko. A mon colline, kawale. Kopetile, on a ni yekeko. A mon colline, katule. A bébé, c'est moi très fort. On a ni top boko. A mon colline, kawale. Kope chile, on a ni yekeko. A mon colline, kantule. Ma petite Olivia. A bébé, c'est moi très fort là. Yakaze ni nyolina Ikunchelebe Achaka luble Yaka ngonuna Amutiti nangono Omo wale Amutiti nangono Omo wale Angonusa Amutiti nangono baby, I love you. Bébé, nous qu'à danser.